Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, il sera interdit d'interdire. En mars 1968, dans les couloirs de la Faculté Nouvelle de Nanterre, un petit groupe d'étudiants s'organise. Entre eux, ces étudiants s'appellent les Enragés. Trotskistes, anarchistes, léninistes, maoïstes et toutes les obédiences d'extrême-gauche en iste, ces jeunes se sont trouvés un ennemi commun, l'ordre établi et la rigidité de la société gaulliste. C'est l'histoire de ce mouvement populaire du 22 mars 1968, première étape d'un processus qui aboutira aux événements de mai 68 que nous allons vous raconter aujourd'hui. Menés par leur leader Daniel Cohn-Bendit, les étudiants posent donc les bases du mouvement civique et politique le plus important de l'après-guerre en France, sur le postulat qu'il n'est plus question d'accepter ni l'impérialisme américain, ni la pudibonderie française, ni le classicisme de l'université. Non, tout est à renverser, à inventer dans les amphithéâtres des universités comme derrière les barricades. Mai 68 est né en mars. Notre invitée aujourd'hui, Ludivine Bantigny, historienne et spécialiste des mouvements de jeunesse. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui est allé à la manifestation des étudiants de Nanterre en soutien aux cheminots, c'était le 15 mars dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Sonia Leguen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Monsieur le ministre, j'ai bien lu votre livre blanc. 600 pages d'ineptie, vous ne parlez même pas des problèmes sexuels des jeunes. En ce 8 janvier 1968, sur le campus de la faculté de Nanterre, la folie, la foule a du mal à retenir ses rires. Mais le ministre de la Jeunesse et des Sports, François Missoff, qui s'est déplacé sur le campus pour inaugurer la piscine, ne se laisse pas impressionner. Et du tac au tac, il répond « Jeune homme, si vous avez des problèmes de cet ordre, vous feriez mieux de plonger dans la piscine. » L'étudiant insolent qui toise le ministre, c'est Daniel Cohn-Bendit, bien connu sur le campus. Anarchiste, vif, intelligent, grande gueule et déjà prime sautier, il est facilement repérable à cet Ignace Rousse. Le ministre le connaît bien, lui aussi. Car depuis quelques mois, les étudiants de la fac de Nanterre font parler d'eux en haut lieu. Déjà l'année précédente, au mois de mars 1967, de petits groupes d'élèves garçons vêtus de peignoirs, de pantoufles et armés de guitares avaient occupé le bâtiment réservé aux filles dans la cité universitaire. Une règle leur interdit de rendre visite à leurs copines. Une règle qui fleure bon la naphtaline, absurde et pour tout dire, considérée par les étudiants comme injuste. Enfin, de quel droit l'administration et même la loi se permettent-elles de s'immiscer dans leur vie privée? L'action avait fait grand bruit, menant jusqu'à l'intervention des forces de police sur le campus. Chacun le sait, quand un garçon rencontre une fille sur le campus, c'est très dangereux, on pourrait même le retrouver dans la chambre de la jeune fille, quelle horreur! Et puis, les universités bénéficient d'une dérogation genre sanctuaire qui empêche les forces de l'ordre de pénétrer dans le campus. Cela dit, le mouvement ne s'était pas arrêté au dortoir de Nanterre. À Nantes, les étudiants avaient choisi, eux aussi, d'occuper le parvis du rectorat. Alors, la pression est montée. Et en janvier 68, le gouvernement décide de lâcher du lest. Dorénavant, les garçons majeurs et les mineurs qui disposent d'une autorisation parentale auront le droit de circuler librement entre les dortoirs. Ouf, se dit-on au gouvernement, la bombe est désamorcée. Et c'est ainsi que Charles de Gaulle, très serein, présente ses vœux à la France le 31 décembre 1967. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois, l'existence de notre pays. Ce que que Pierre Vianson-Ponté traduira 3 mois plus tard dans son fameux éditorial du Monde par cette formule « La France s'ennuie ». Cet article annonçait-il les remous à venir ? Peut-être, mais le général, lui, n'a rien vu. Et pourtant, à Nanterre, la colère des étudiants est toujours aussi vive. Les dispositions prises par le gouvernement ne les ont pas apaisées. Non, ils veulent une liberté totale et non pas restreinte aux seuls élèves majeurs. Globalement, la jeunesse de 68 n'en peut plus de cette France gaullienne corsetée, cette société à la papa. L'avortement est illégal, la pilule vient seulement de faire son apparition grâce à ce ministre courageux qu'est Lucien Neuwirth. Bel exploit, se dit au passage, que d'avoir convaincu le général d'avoir livré la France à la bagatelle, comme il disait. Et puis, c'est une époque où, rappelons-le, l'homosexualité, par exemple, est encore condamnée par la loi archaïsme, que ne fera pas tomber mai 68 d'ailleurs. Mais c'est bien autour de la question de la liberté sexuelle que vient se cristalliser une critique beaucoup plus globale de la société. Dans les universités françaises, les groupes militants révolutionnaires se multiplient. À l'extrême gauche, communistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes, léninistes se partagent le terrain. À ce niveau, Nanterre fait tout de même figure d'exception. Université nouvelle, excentrée, son paysage politique diffère des autres facs. Et son histoire commence en 1964. L'émission Actualité française en rappelle son inauguration en grande pompe. Des chances nouvelles s'ouvrent aussi aux étudiants parisiens. Au pont de Neuilly, ils s'embarquent vers l'annexe que la faculté des lettres vient d'ouvrir à Nanterre pour décongestionner la Sorbonne surchargée. Désormais, les étudiants de propédeutique, cette charnière entre le secondaire et le supérieur, sont répartis entre l'ancienne halle au cuir et le centre de Nanterre. À Nanterre, on a vu grand. Plus de coude à coude inconfortable, fini les longues heures assis sur les marches. Aucune saturation à redouter, puisque ceux qui ne pourront trouver place ici auront encore la ressource, grâce à un circuit intérieur de télévision, de suivre le cours dans des salles voisines. Oui, enfin, la réalité est un peu plus nuancée. Les bâtiments neufs trônent au milieu d'une zone industrielle encore en friche. Collé au campus, un bidonville rappelle aux étudiants la réalité des inégalités qui minent la France de ces années-là. Mais surtout, la faculté de Nanterre est excentrée. Dans les années 60, seuls les trains en partance de Saint-Lazare permettent d'accéder au campus. Le RER ne sera développé que beaucoup plus tard. Alors, les étudiants se sentent isolés, coupés du monde, comme le raconte cet élève interrogé par l'émission telle qu'elle, diffusée sur leur RTF. C'est pas gai puis c'est pas triste, si vous voulez. Pour travailler, c'est impeccable. Quand on a le cafard, on se plonge dans du latin, et voilà quoi. Mais c'est pas de la vie, c'est de la concentration d'études. On peut pas dire qu'on existe quand on est en cité universitaire. On est là pour bosser, on bosse, c'est parfait, mais on n'existe pas. Je sais pas, je souhaite qu'on soit moins loin de tout, moins loin des autres étudiants, par exemple, ceux qui sont au quartier latin, on les connaît pas, on les voit jamais. Nanterre, si vous voulez, c'est une grande famille, quoi. C'est pas drôle, c'est un ghetto. Autour du campus, en effet, on ne trouve ni café ni cinéma. Alors, on passe le temps dans les chambres des uns et des autres à refaire le monde, et plus si affinité. À Nanterre, la population est mixte. Les fils de bourgeois de la banlieue ouest côtoient les fils d'ouvriers de la banlieue rouge, traditionnellement communiste. Quant à l'enseignement, il est assuré par des professeurs plutôt jeunes, globalement moins habitués à la rigueur universitaire française. Nombreux sont les profs qui cherchent à renverser les rapports de force, à casser la hiérarchie entre profs et élèves. Bref, à Nanterre, on veut réinventer l'université française. Politiquement, Nanterre est également terre de nouvelles espérances. Les traditionnels jeux politiques n'ont pas encore eu le temps de s'y implanter. Le Parti communiste, présent dans toutes les autres universités de France, n'y a même pas de section. Les trotskistes et les maoïstes, bien que présents, ils sont plus discrets qu'ailleurs. Ce qui permet aux étudiants anarchistes d'être mieux implantés qu'à la Sorbonne, où ils sont marginalisés, victimes des logiques d'appareil. Ces mouvements politisés ne sont pas majoritaires, bien sûr. Sur les 12 000 étudiants que compte la fac de Nanterre à la rentrée de septembre 67, seules quelques centaines sont membres de groupes politiques. Oui, mais ils sont actifs et se font entendre un peu partout sur le campus. Tout est prétexte à renverser l'ordre établi, on perturbe les cours, on tracte au resto U et sur le campus, des étudiants distribuent des journaux politiques. Demandez Vietnam, journal du comité Vietnam national. Contre l'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens, demandez rupture. Contre la poésie aragonesque, demandez rupture, revue d'action surréaliste. Demandez le courrier du Vietnam, journal des combattants vietnamiens. La constitution de Frotini anti-impérialiste, dans Vietnam, journal du comité Vietnam national. Parmi ces étudiants et leur logoré, une figure sort du lot. Daniel Cohn-Bendit, surnommé Danny le Rouge. Cet étudiant en sociologie de 22 ans ne passe pas inaperçu sur le campus. Depuis 2 ans qu'il fréquente la fac de Nanterre, cet anarchiste confirmé s'est pris au jeu du situationnisme, ce mouvement basé sur les écrits de Guy Debord, qui cherche, en résumé, à perturber l'ordre établi par le biais d'actions chocs et surréalistes qui s'immiscent dans le quotidien. L'action prend alors la forme de scénettes, de performances, toujours avec un certain humour et avec un effet de surprise. Danny est allemand, mais il est né à Paris, français de cœur. Ses parents sont rentrés vivre en Allemagne avant que Danny n'obtienne la nationalité française. Cette origine étrangère lui donne un statut à part dans le groupe des étudiants de Nanterre. Lui ne retourne pas chez ses parents le week-end, il vit dans un petit appartement du 15e arrondissement de Paris, financé par la bourse qu'il reçoit du gouvernement allemand. Quelques semaines plus tard, voici le portrait qu'on fait de lui sur France Inter. Qui est-il ? Il est âgé de 23 ans, c'est un jeune Allemand né en France. Il est le leader d'un mouvement rassemblant une centaine d'étudiants de tendance trotskiste et pro-chinoise. Il s'était fait déjà remarquer lorsque M. François Missoff était venu inaugurer la piscine de la faculté. Il avait interpellé le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il y a quelques jours, Cohn-Bendit, appelé le rouquin sublime par ses amis, empêchait M. Juquin, député communiste, de faire une conférence dans les locaux de la faculté. Son éducation politique, il la doit à son frère, Gabriel. C'est lui qui lui présente Jean-Pierre Dutheil, qui deviendra son meilleur ami et l'un des futurs leaders de mai 68. Gabriel est plus âgé que Daniel. Il était membre du Parti communiste, puis trotskiste, pour finir à la Fédération anarchiste. Mon frère, ce héros, c'est tout naturellement que le petit Danny s'est intéressé à la politique en écoutant son frère Gabriel lui raconter ses réunions, ses actions. Dans son appartement, il invite ses amis à refaire le monde, discuter politique. Danny et sa bande commencent à monter des actions sur le campus. Ils interviennent pendant les cours, interpellent les professeurs pour les pousser à prendre position sur les grands débats qui traversent la société de l'époque. En cours d'espagnol, ils questionnent le franquisme. En sociologie, la lutte des classes. Ils organisent des réunions, des débats et des conférences sur le campus, invitant les étudiants à réfléchir aux thèses révolutionnaires. Leur critique porte aussi sur la question de l'université, de l'enseignement, qu'ils voient comme un outil supplémentaire d'oppression capitaliste, comme tente de l'expliquer Daniel Cohn-Bendit dans l'émission Zoom, diffusée sur l'ORTF en mai 68. Des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Bon, ce refus se fait d'abord à l'université. Vu 50 ans plus tard, le résultat est saisissant. Mais bon, à l'époque, on y croit. Et comme une grande partie de la jeunesse, les jeunes révolutionnaires de Nanterre regardent vers le monde où ils puisent leurs idées. Un monde particulièrement tendu en cette année 1968. Aux quatre coins de la planète, des mouvements révolutionnaires prennent de l'ampleur. En Europe de l'Est, la République tchèque et la Pologne s'embrasent. À l'Ouest, les États-Unis battent au rythme des manifestations pour les droits civiques des Noirs. En Asie, la guerre du Vietnam est à son paroxysme. Ce conflit qui choque l'opinion publique par sa violence cristallise les revendications et les rassemblements. En France, le Vietnam fait écho aux blessures de la guerre d'Algérie et les étudiants y voient une nouvelle démonstration des horreurs de l'impérialisme américain, cette fois. Enfin, la répartition du monde en deux blocs opposés empêche de croire à l'émergence de nouvelles voies. À la fin de l'année 67, les manifestations anti-impérialistes se multiplient, organisées par le Parti communiste et relayées par l'ORTF. Sur le thème de la paix au Vietnam, des milliers de jeunes gens ont défilé à Paris. Cette manifestation avait été organisée par les jeunesses communistes. Canalisé par le service d'ordre, le défilé où fleurissaient à côté des banderoles les drapeaux du Nord-Vietnam et du Front National de Libération s'est achevé sans incident. Mais progressivement, les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Si le début du mouvement était plutôt porté par des idées pacifistes, la question de la violence et de la lutte armée commence à poindre dans les débats. De plus en plus de manifestants ont envie d'en découdre avec la police, dont la brutalité au cours de la guerre d'Algérie a laissé des traces. Non, à cette époque, le bleu marine n'est pas en odeur de sainteté. Le 21 mars, une manifestation organisée par la jeunesse communiste révolutionnaire et le comité Vietnam prend une tournure violente. 400 manifestants se retrouvent place de l'Opéra. Au milieu des immeubles haussmanniens de ce quartier bourgeois, le cortège démarre dans une ambiance bon enfant. Mais quelques minutes plus tard, un groupe de jeunes armés de barres de fer, de boulons, décide de s'en prendre aux vitrines du siège de la Banque American Express, symbole de l'impérialisme américain. Des vitres sont brisées, des étudiants interpellés. Parmi eux, un jeune élève de la faculté de Nanterre, Xavier Langlade. Il est placé en garde à vue. Il était pris en flagrant délit de lancer des boulons sur les vitrines de la banque américaine. L'information arrive rapidement jusqu'au campus de Nanterre et provoque la colère des étudiants. Pour eux, l'action est légitime. La répression, en revanche, ne l'est pas. Daniel Cohn-Bendit et ses amis, toute obédience politique confondue, décident alors de se mobiliser le lendemain, le 22 mars. Dans l'urgence, ils organisent une assemblée générale qui rassemble environ 600 étudiants dans un amphithéâtre de l'université. Le mouvement populaire du 22 mars 1968 vit ses premières heures. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monde de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. Que des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusque en haut des cuisses, elle est beautée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers. agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. On a besoin d'un mouvement révolutionnaire. Oui, qui sera quoi? Ou bien qu'il y ait une direction centralisée. Mais oui, mais quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise. Mais ça ne peut être... Laissez-moi parler une seconde. C'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées. Dans l'amphithéâtre de Nanterre, les prises de parole se succèdent pour déterminer les actions à mener. Organiser une manif, aller jusqu'au commissariat pour soutenir leurs camarades. En tant que porte-voix des libertaires, Daniel Cohn-Bendit prend le micro. Pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté où nous resterons toute la nuit. L'idée séduit, mais reste à déterminer quel bâtiment occuper. Le département de sociologie où la contestation a débuté, ou alors celui de psychologie? Une voix dans la salle propose alors de frapper plus fort et d'occuper le bâtiment de l'administration plus symbolique. C'est le seul lieu de l'université où les étudiants sont tenus à l'écart. Transgressive, l'idée, mais tout le monde d'accord. Daniel Cohn-Bendit propose d'occuper le rez-de-chaussée, puisque c'est le symbole qui compte. Mais d'autres membres de l'Assemblée, plus téméraires, proposent de monter. On passe la question au vote et la majorité tranche, on occupera les étages. Le groupe profite d'une porte laissée ouverte par le personnel d'entretien et s'engouffre dans la tour de l'administration. En quelques minutes, les étudiants occupent la salle du conseil de l'université, victorieux. Et il faut peu de temps pour que les bouteilles de whisky du doyen soient vidées. C'est un désordre joyeux, il n'y a pas assez de chaises pour accueillir la centaine d'étudiants contestataires, alors certains s'assoient sur les radiateurs, les rebords de fenêtres. Autour de la grande table ovale, on a sorti des guitares et on chante des chants révolutionnaires. L'ambiance est bien loin des âgés classiques. En cette nuit du 22 mars 68, chacun prend la parole comme bon lui semble. Pas besoin de médiateur, encore moins de modérateur, on parle et on s'écoute. Et vers 1h du matin, les étudiants rédigent le texte fondateur de leur mouvement, le Manifeste des 142, en hommage au Manifeste des 121, dans lequel des écrivains et des intellectuels appelaient à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. À la suite d'une manifestation organisée par le Comité Vietnam National pour la victoire du peuple vietnamien contre l'impérialisme américain, des militants de cette organisation ont été arrêtés dans la rue ou à leur domicile par la police. Le problème de la répression policière contre toute forme d'action politique se repose à nouveau. Après les flics en civil à Nanterre et à Nantes, les listes noires, le gouvernement a franchi un nouveau pas. Ce n'est pas aux manifestations que l'on prend les militants, mais chez eux. Pour nous, ces phénomènes ne sont pas un hasard. Ils correspondent à une offensive du capitalisme en mal de modernisation et de rationalisation. Le capitalisme ne peut plus financer. Pour nous, l'important est de pouvoir discuter de ces problèmes à l'université et d'y développer notre action. À chaque étape de la répression, nous riposterons d'une manière de plus en plus radicale. Le mouvement a vocation à poursuivre son action par des mobilisations à destination d'abord des étudiants. Et pour le moment, dans la salle du conseil, l'heure est au soulagement. Les camarades emprisonnés ont été libérés. On peut donc quitter les lieux sans même avoir à se frotter aux forces de l'ordre qui ne débarqueront qu'une heure plus tard. Et en seulement quelques jours, le mouvement commence à se structurer et à s'étendre. Le 28 mars, dépassé par les événements, le doyen Grappin décide de fermer la faculté pour 2 jours. Les étudiants investissent alors les pelouses du campus et organisent de grandes conversations sur l'avenir de l'université. On parle d'université critique, où les étudiants pourraient participer aux instances de décision, où l'enseignement ne serait plus validé par des évaluations. Le groupe séduit et ne cesse de s'agrandir. Des 142 étudiants du début, on est passé à plusieurs centaines. Magnétique, le mouvement touche même certains professeurs. Jean Baudrillard, un enseignant en sociologie, écrit même une lettre à Daniel Cohn-Bendit. Il l'encourage dans sa démarche, mais l'invite tout de même à prendre garde aux tentatives de récupération par des groupuscules politiques. Alors, par petits groupes d'une dizaine d'étudiants, les militants du 22 mars multiplient les actions dans l'université jusqu'à en perturber le fonctionnement. Et quand on l'accuse de saboter le système universitaire, Daniel Cohn-Bendit rétorque que les étudiants ne font qu'en pointer les dysfonctionnements. Vous êtes arrivé à bloquer la machine universitaire, comme on l'a dit dans les journaux. Non, la machine universitaire s'est bloquée parce qu'au premier grain de sable, elle a déraillé. C'est-à-dire que la machine universitaire est vraiment quelque chose qui, dès qu'on secoue un peu, s'ébranle et se casse. S'ils n'appartiennent pas au même courant politique, les membres du mouvement du 22 mars ont tous en commun d'être révolutionnaires. La fin du capitalisme, la lutte des classes, la question du mode d'action et du pouvoir sont au centre de leurs discussions, alors ils n'hésitent pas à provoquer. Dans le premier bulletin du 22 mars, petit journal qu'ils produisent pour diffuser les idées et les actions du mouvement, on peut trouver par exemple un dessin expliquant la méthode de fabrication d'un cocktail Molotov. En plus des actions sur le campus, la tension monte aussi entre les groupes d'extrême gauche et leur équivalent à l'extrême droite. Sur le campus de Nanterre, les affrontements entre les membres du 22 mars et les militants du mouvement Occident, menés à l'époque par Alain Madelin, sont toujours plus violents. Au cours du mois d'avril 68, l'ambiance sur le campus devient tellement tendue que le doyen Grappin ne peut plus assurer la sécurité des étudiants. À la fin du mois d'avril, il capitule et ferme la faculté de Nanterre. Depuis quelque temps, le déroulement régulier des enseignements est gravement compromis du fait de l'agitation systématique de certains groupes d'étudiants qui créent ici un véritable climat d'insécurité. Il apparaît dans ces conditions qu'on ne peut plus parler de liberté d'expression et de travail comme elles sont en usage dans les facultés. J'ai décidé de mettre un terme à toute cette agitation et de prendre les mesures suivantes. À partir de demain, vendredi 3 mai à 9h et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques sont suspendus à la faculté. En parallèle aux actions menées à Nanterre, les étudiants du 22 mars s'intéressent aussi à ce qui se passe ailleurs, en France et en Europe. Dans tout le pays, des groupes se montent. À Rouen, Nantes, Lyon, la mobilisation étudiante grossit. En Europe, même constat, la révolte s'étend. Daniel Cohn-Bendit en prend conscience lors d'un voyage à Berlin. Il assiste à un meeting de Rudi Dutschke, le leader de l'opposition. Et outre Rhin, l'ambiance est moins bon enfant qu'en France. Le 11 avril, en effet, le leader de l'opposition allemande est victime d'un attentat. Un lecteur du quotidien populaire Bild, très favorable à la répression policière, tire 3 balles sur Rudi Dutschke. Blessé à la tête, il survit miraculeusement à l'attaque. Les militants allemands ont quitté les universités et se placent directement dans le débat public au risque de subir la violence de la répression, la preuve. En 1967, un jeune militant y perd la vie. La révolution n'est plus seulement idéologique. Elle n'est plus qu'un plaisir d'étudiant en sciences sociales, friand de réflexions politiques. Maintenant, c'est un combat, au péril parfois de sa vie. Daniel Cohn-Bendit saisit alors l'importance de créer des ponts entre les pays européens qui bougent pour rendre leurs revendications plus puissantes. Et à Paris, on organise des mobilisations de soutien aux camarades allemands. Quelques militants du 22 mars commencent aussi à rendre visite aux assemblées générales organisées à la Sorbonne. Mais là, l'accueil est mitigé. Les militants de la Sorbonne ne sont pas habitués à la liberté de parole de leurs camarades nanterrois. Qui sont ces anarchistes qui s'autorisent à parler en dehors des tours de parole ? L'étincelle qui mettra le feu au mouvement intervient le 2 mai 68. Daniel Cohn-Bendit, Dutheil et 6 autres membres du 22 mars apprennent qu'ils sont convoqués devant le conseil de discipline. Une provocation. Pour couronner le tout, le doyen Grappin décide aussi de fermer Nanterre pour essayer de calmer les esprits. Mais la décision aura l'effet inverse. Privés de lieu de rassemblement, les Nanterrois décident de se rendre, assez logique, à la Sorbonne. Et le 3 mai 1968, la célèbre fac est occupée. Le soleil brille en ce 3 mai. Les étudiants arrivent dans le quartier latin par petits groupes. Des figures de gauche, comme Alain Krivine ou Jacques Sauvageau, se relaient à la tribune devant une foule de 500 ou 600 étudiants réunis dans la cour de la Sorbonne. Les journalistes de France Inter, eux aussi, sont sur les lieux. Dans la foule, une rumeur circule. Le groupe Occident, qui défile non loin de là, prévoirait d'attaquer la Sorbonne. Les étudiants commencent alors à s'organiser. On arrache des pieds de table et de chaises pour faire des matraques. On enfile des casques. Mais on ne voit rien venir. Alors, on décide d'occuper l'université. Le recteur Roche, paniqué, appelle la police. Les étudiants sont arrêtés par fourgons entiers. Voyant leurs copains se faire embarquer, les étudiants, eux, se révoltent. On distribue alors des lance-pierres et la riposte commence dans la rue. Des renforts arrivent de tous côtés, badauds, lycéens, étudiants. Et voici pour la première fois le quartier latin envahi par une manifestation d'une ampleur inédite. La répression est sans pitié, les matraques s'abattent à l'aveugle sur les manifestants, mais aussi, et comme souvent, sur les passants qui cherchent à fuir les affrontements. Bilan, 600 interpellations. Parmi elles, 13 étudiants comparaîtront en flagrant délit devant la chambre correctionnelle de Paris. À la fin de la journée, le quartier est méconnaissable. Les pavés et les panneaux de circulation ont été arrachés, les voitures ont été retournées. Et puis c'est un calme étrange qui finit par s'abattre autour de la rue Gay-Lussac. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. Salut. 3 jours plus tard, le 6 mai, Daniel Cohn-Bendit et ses amis sont en route pour le conseil de discipline. La foule s'est réunie pour les soutenir. Poings levés et costumes chinés pour se donner une allure de sérieux, ils se rendent au rectorat en chantant l'International, une scène immortalisée par les journalistes de l'ORTF. Et maintenant, on n'a rien à dire. Vous comprenez, il y a des flics à côté. On va pas quand même déclarer aux flics comment nous, on va se défendre. Ici, en France, quoi qu'on fasse maintenant quand on est étudiant, on doit le faire en présence de 4 moustachus qui sont flics. Et nous, on marche pas. Il y en a 12. Parce que ça veut dire pourquoi il a un brassard presse. Il n'est pas de la presse. Mais oh, vous avez un brassard presse, vous êtes de la presse? Oui, je fais partie du journal des armées. Mais face à l'importance de la mobilisation, le Conseil doit se rendre à l'évidence. Toute sanction est impensable, elle ne ferait que mettre le feu aux poudres. Mais la machine judiciaire, elle, est lancée. Et les condamnations d'étudiants à des peines de prison ferme ne font qu'augmenter la colère. Le quartier latin, devenu le lieu symbolique de la contestation étudiante et rendu zone interdite par la police depuis la manifestation du 3 mai, ne connaîtra plus le calme. Suivront d'autres affrontements, d'autres pavés arrachés, des barricades, des bombes lacrymogènes qui teinteront l'air d'un parfum de révolution qui marquera l'histoire. Oui, mai 68 a commencé en mars. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte. Lénine, Mao et le Tché. Passez le monde au laminoir sur une autre vie débouchée. Cassez du flic et du bourgeois à coups de mots et de pavés. Tremblez de peur, vibrez de joie, choisir de vaincre ou de crever. Était-ce mal, était-ce bon? Demandez-le à Robert de Sorbonne. Était-ce le moment et le lieu? Allez le demander à Richelieu. Des 24 heures sans sommeil, des nuits d'amour et d'incendie. Un mois de rêve sont pareils, moins d'enfer ou de paradis. DH à l'attaque des troncs, des barricades, de voitures. L'espoir au cœur, le sang au front et le souffle de l'aventure. Était-ce mal, était-ce bon? Demandez-le à Robert de Sorbonne. Était-ce le moment et le lieu? Allez le demander à Richelieu. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Où sont passées nos habitudes? Que nous prépare l'avenir, la liberté, la servitude? De quoi demain sera-t-il fait? De fleurs nouvelles ou bien d'alarmes? Faut-il en rire ou en pleurer? Mais de quelle larme? Larme de sang, larme de joie, se sont demandés les bourgeois. Larme de joie, larme de sang, se sont demandés les passants. Larme de joie, larme de sang, se sont demandés les passants. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le mouvement du 22 mars avec notre invitée Ludivine Bantigny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maître de conférence à la faculté de Rouen et spécialiste des mouvements de jeunesse. Et vous êtes l'auteur du livre intitulé 1968 de grand soir en petit matin, publié au Seuil au mois de janvier. C'est toujours ça. C'est bien ça. Bien. Alors, revenons sur les personnages qui ont fait ce mouvement étudiant du 22 mars. Alors, on a beaucoup évoqué dans le récit la figure de Daniel Cohn-Bendit, bien sûr, mais il n'était pas seul. Évidemment. Que sont devenus ces militants aujourd'hui? Font-ils toujours partie du paysage de la lutte révolutionnaire française? Où sont-ils devenus ces bourgeois dirigeants que fustigeait justement Daniel Cohn-Bendit quand il n'était pas encore, lui non plus, un bourgeois dirigeant? C'est vrai que la difficulté, c'est de ne surtout pas réduire 1968, ni même le mouvement du 22 mars, à quelques figures charismatiques, dont certaines sont devenues en effet très médiatiques. C'est le cas de Daniel Cohn-Bendit. On peut penser à son ami Jean-Pierre Duteuil, qui lui est resté jusqu'à la fin de ses jours libertaire, anarchiste, fidèle à ses convictions de l'époque. On peut également songer à Daniel Bensaïd, disparu lui aussi, qui, là aussi, jusqu'au bout de son existence politique, s'est engagé pour la cause de l'aspiration à la révolution et au changer la vie que défendait le mouvement du 22 mars. Il y avait également des femmes, bien sûr, dans ce mouvement. Il s'agit de surtout pas les oublier. Il y avait par exemple l'actrice, déjà comédienne à l'époque, Marie-France Pisier, qui étudiait à Nanterre. Alors, la critique de la société portée par le mouvement du 22 mars est d'abord articulée autour de la question de la liberté sexuelle. C'est une revendication nouvelle à l'époque. D'ailleurs, si tant est que ce soit vraiment axé autour de la liberté sexuelle, il y avait peut-être autre chose, mais enfin, ça semble être le pivot quand même. Je ne dirais pas qu'il s'agisse du seul pivot. C'est vrai que c'est important, d'autant que ce qui est intéressant au travers de cette revendication, c'est d'une part qu'il s'agit de revenir sur les conditions de vie et le carcan de l'ordre moral qui pesait beaucoup à cette époque. La seconde chose qui est importante à propos de cette question de l'aspiration à une libération des sexualités, c'est que cette question devient dès lors politique. C'est ce qui est intéressant avec le mouvement du 22 mars, c'est que le périmètre de la chose politique, des objets qui méritent d'être discutés publiquement, s'étend. Et la question des corps, la question du rapport entre femmes et hommes, et notamment, il faut se rappeler quand même qu'en effet, il y avait une aberration pour ces jeunes gens qui avaient plus de 18 ans et qui, malgré tout, avaient l'interdiction dans les règlements intérieurs des résidences universitaires de visiter les filles et les garçons et réciproquement. Mais je dirais que ça a été un des éléments déclencheurs, mais vraiment pas le seul. Et là aussi, ce serait réducteur de considérer que c'est la seule étincelle du mouvement du 22 mars. Il faut se rappeler évidemment l'importance de l'internationalisme à l'époque et dès lors l'importance de la guerre du Vietnam, qui est bien plus qu'une toile de fond, mais qui est vraiment une matrice dans la mobilisation et dans, là pour le coup, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres à Nanterre autour du 22 mars. Et puis le dernier point peut-être, c'est tout simplement cette aspiration vraiment très sincère de la part de tous ces jeunes gens, jeunes femmes et jeunes hommes à un changement révolutionnaire de la société, un changement radical, parce qu'il faut se rappeler qu'il souligne beaucoup les inégalités sociales de l'époque, hein, qui sont très importantes, l'aspiration à davantage de justice sociale également. Donc la question de la libération est au cœur de leur perspective, qu'il s'agisse de la libération des peuples du tiers-monde, de la libération d'une jeunesse encore trop encadrée par des mœurs d'un autre temps et qui leur apparaissent désormais désuètes, et puis la libération par rapport à une société qu'ils jugent aliénante parce que tournant autour de l'argent, du profit et de la compétition. Et s'ils avaient vu, en tout cas ceux qui ne sont pas encore en vie, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ils seraient totalement désespérés. Quant aux autres, certains s'en sont bien accommodés de cette société de consommation qu'ils ont tant fustigée. L'internationalisme, c'est intéressant, on y revient maintenant. Est-ce qu'il y avait des échanges? Il y avait des échanges avec les jeunes Allemands, ça c'est clair. Oui. Est-ce qu'il y avait des échanges au-delà de l'Allemagne? Non, ce qui est vraiment très frappant, c'est que le mouvement n'est pas seulement mondial en 1968, puisqu'il y a des révoltes et des formes d'insubordination, pour reprendre le terme de Xavier Vignard, des formes d'insubordination un peu partout dans le monde, mais c'est aussi un événement vraiment transnational, au sens où ces protagonistes franchissent les frontières. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de passeurs qui viennent faire part de leurs expériences, par exemple de jeunes étudiants belges qui viennent de Louvain, où l'université est occupée, des jeunes étudiants italiens, parce que le mouvement des universités critiques, dit aussi contre-université, qu'il s'agisse de Milan, de Rome, de Turin, mais aussi de plus petites villes, de Toscane, par exemple, comme Luc, sont présents également à Nanterre. Et puis vous avez bien sûr raison de souligner l'importance de l'Allemagne, de la RFA, des expériences qui d'ores et déjà s'y sont implantées, comme les communes. On parle des Kommune Eins und Zwei à Berlin-Ouest. Et donc il y a des liens extrêmement étroits entre, par exemple, un Daniel Cohn-Bendit, un Daniel Ben Saïd ou un Rudi Dutschke, qui est l'un des théoriciens révolutionnaires du SDS, le mouvement des socialistes révolutionnaires, des jeunes socialistes révolutionnaires allemands. Est-ce que parmi ceux-là, au passage, on retrouvera la fraction Armée Rouge? Non, pas du tout, mais la tentative d'assassinat sur Rudi Dutschke en 1968, qui d'ailleurs lui coûtera la vie quelques années plus tard, a été, un ferment de révolte encore davantage aiguisé, et le sentiment que la violence était partout dans cette société, et que dès lors, ça pouvait, pour certains, qui constituent une toute petite minorité, il faut le rappeler, de ces militantes et militants des gauches radicales et révolutionnaires, pour certains, il s'agissait d'une arme possible, l'usage de la violence politique, parce qu'il et elle estimaient que cette violence était décidément structurelle dans la société de l'époque. J'en reviens aux motivations des étudiants du 22 mars, ce qu'on n'a pas tout à fait abordé, il faut le faire maintenant, la transmission du savoir, la faculté, si j'ose dire, de la faculté, à se moderniser. C'est important aussi, ça. Absolument, et c'est vrai qu'on a tendance parfois, chez les contempteurs, les détracteurs de 1968, à considérer que 1968 aurait détruit non seulement l'autorité, mais le savoir, et c'est absolument faux. En réalité, il y a une sorte de respect du savoir, il y a un véritable intérêt, une soif de savoir, mais une interrogation notamment dans le 22 mars sur les modalités même de sa transmission, une volonté de s'approprier davantage ces savoirs, de mieux les posséder en étant partie prenante, non pas forcément de son élaboration, mais encore une fois de la manière dont il se transmet. Donc il y a tout un esprit critique très acéré qui se développe aux alentours de ces universités, dont celle de Nanterre. Il faut se rappeler quand même que Nanterre, qui est une toute jeune université, est entourée de bidonvilles. Donc oui. Là, c'est pour notamment tous les étudiantes et étudiants en sciences sociales, en sciences humaines, et notamment ces sociologues que sont Jean-Pierre Duteuil ou Daniel Cohn-Bendit. C'est la manifestation même du fait que la France n'est pas si prospère, et en tout cas que la prospérité est écornée justement par l'importance de ces inégalités sociales et le traitement qui est réservé aux populations, en particulier venues du Maghreb et surtout d'Algérie. La question de l'Algérie pèse encore énormément, de la guerre d'indépendance algérienne, elle est aussi dans toutes les mémoires, et elle est aussi matérialisée par la détresse sociale de ces bidonvilles. Est-ce que, par ailleurs, les istes arrivent à, ce que j'appelle les istes, arrivent à s'entendre, c'est-à-dire les trotskistes, les maoïstes, les léninistes, les anarchistes? On sait que la pensée de ces gens-là est parfois un peu compliquée. Oui. Est-ce qu'ils arrivent à se fédérer quand même? Alors, ils arrivent à se fédérer déjà tout simplement par la pratique, par l'action, par l'occupation du bâtiment le 22 mars, en réaction à l'arrestation de militants qui s'en étaient pris à la banque American Express pour dénoncer l'intervention militaire au Vietnam. Donc, il y a un premier point commun très fort entre eux, c'est l'anti-impérialisme, c'est la volonté de s'opposer aux grands géants, qu'il s'agisse d'ailleurs des États-Unis comme de l'Union soviétique, hein, dont ils critiquent très fermement la dimension bureaucratique. Et puis leur point commun, c'est aussi une forme d'anticapitalisme, puisqu'ils remettent en cause la société de marché, la société de concurrence. Là où ils sont en désaccord, évidemment, et ce sont des différences stratégiques et de programmes qui courent sur plusieurs décennies, notamment entre les libertaires et les marxistes, léninistes, c'est le rapport au pouvoir. Et donc ça va se poser d'ailleurs de manière extrêmement précise au cours de mai et de juin 1968 au sein du mouvement du 22 mars. Les trotskistes notamment autour de Daniel Ben Saïd ou Alain Krivine se disant il faut absolument que nous contribuions à fédérer tous ces comités de grève, ces comités d'action, ces comités de quartier qui existent pour poser la question du pouvoir, hein, pour poser la question de comment faire face au pouvoir. Et puis de l'autre côté, les libertaires, donc notamment Daniel Cohn-Bendit, mais pas seulement, disent non, il faut garder la spontanéité et l'autonomie de ces comités, ne pas chercher à les centraliser. Alors, on en arrive à ce qu'on appelait la convergence des luttes, hein, la solidarité entre étudiants et ouvriers. On va y revenir avec vous, Ludivine Bantigny, mais la question qu'on se pose est de savoir si c'est toujours d'actualité. Et qu'en pensent les étudiants de Nanterre aujourd'hui? Et quand ils se mobilisent, comme en ce moment, ont-ils en tête la date du 22 mars 1968? Bonjour Annel Verso. Bonjour. Vous êtes notre reporter. Il se trouve que jeudi 15 mars, donc tout récemment, les étudiants ont manifesté contre la sélection à l'université et en soutien aux cheminots. Et vous êtes allé à l'université de Nanterre retrouver des étudiants mobilisés. Voilà, et au départ de la marche à Nanterre, bon, ils étaient une trentaine. C'est beaucoup moins que dans d'autres universités, comme à Toulouse Mirail par exemple, où en ce moment ils sont entre 1000 et 3000 personnes en assemblée générale. Et des assemblées générales, il y en a tous les deux ou trois jours. Mais les étudiants de Nanterre ont retrouvé d'autres étudiants ensuite, à Paris. Oui, à la place Saint-Michel, puis à la gare Saint-Lazare, pour soutenir les cheminots en grève. Ah ben là, voilà la convergence des luttes. On les écoute. Le plan étudiant ne passera pas jeudi 15, fac en grève. Âgé 9h, dans le DD, dispense d'assiduité, départ en manif, 10h30. Voilà, on se trouve à l'université de Nanterre. Vous, Barthélémy, vous êtes étudiant où ça? Moi, je suis en 3e année d'histoire, à Nanterre, dans l'UFR-SSA. Et vous êtes militant politique? C'est ça, je suis militant syndical à l'UNEF. Et militant politique au NPA. Et le 22 mars 68, est-ce qu'il y a des personnes de votre famille qui l'ont vécu, qui vous ont raconté? Alors le 22 mars en tant que tel, non. 68, oui. Mes grands-parents, dont mon grand-père qui était ouvrier à la SNECMA à Boulogne-Billancourt, qui du coup a fait grève à ce moment-là, comme pas mal d'usines, non seulement de Boulogne, mais énormément d'usines en région parisienne et nationalement. Après voilà, c'est les rares échos que j'en ai un petit peu eu via mes grands-parents. Ensuite, le 22 mars en tant que tel, sur l'université de Nanterre, bien sûr qu'on a des liens avec... d'anciens étudiants de 68 qui, là en ce moment, essaient de faire une conférence sur 68 à Nanterre, mais voilà, qui sont encore un peu parmi nous. Donc on a tous un peu, surtout au niveau des militants, mais tous un peu la date en tête, justement sur cette idée, avec le 22, en termes de convergence, de grève, etc., comme la possibilité, probablement, de lancer un grand mouvement digne de celui de mai 68, qui pourrait même, pourquoi pas, aller un peu plus loin et gagner beaucoup plus de droits, mais... Je pense que la jeunesse peut toujours avoir un rôle, la jeunesse scolarisée, et même les jeunes travailleurs en tant que tels, peuvent toujours avoir un peu un rôle d'impulsion, de déclencheur, et que ça, c'est toujours d'actualité. Alors, on rentre dans le RER, hop, on se teste. C'est le bordel. Alors, on est dans le RER A. Même combat, cheminots, étudiants. Même combat, cheminots, étudiants. Mars 1968, presque 22 mars 2018, et Nanterre est à Paris. Nous sélectionnons mai 68 pour commencer. On se trouve à la gare Saint-Lazare avec les étudiants de Nanterre. Ils sont venus là pour soutenir les cheminots. Léna, toi t'es étudiante en quoi? Je suis en philosophie, en L3 et... à Nanterre depuis cette année. Avant, j'étais en prépa en Bretagne et donc je débarque sur le campus. Et Léna, le 22 mars 1968, est-ce que ça t'évoque quelque chose? C'est parti de Nanterre, c'est parti de jeunes qui voulaient plus de liberté, plus de droits, et ça me parle beaucoup et ça me donne envie de reprendre le flambeau, mais avec d'autres aspirations, puisque ça c'est bon, du coup l'internat mix, on l'a déjà. mais plus de une vocation politique et tous ensemble. Vous avez quel âge ? Je viens d'avoir 21. Moi, j'ai 19 ans. Votre prénom ? Issiane. Et là, vos camarades sont partis à l'intérieur de la gare Saint-Lazare pour distribuer des tracts pour les cheminots. C'est ça, hein ? On soutient aux cheminots. Oui. Je crois qu'ils sont rentrés. Alors ça, c'est une très bonne idée, puisque l'idée de la mobilisation aujourd'hui, c'est la convergence des luttes pour lutter avec eux contre les réformes du gouvernement, qui sont nocives pour tout le monde. Et pour toi, Daniel Cohn-Bendit, c'est une figure charismatique qui est un repère, un modèle ou pas du tout ? Le Daniel Cohn-Bendit de mai 68, selon moi, n'est plus du tout la même personne que le Daniel Cohn-Bendit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il se fond complètement dans le paysage des politiciens, en fait, voilà, qui sont là, qui profitent de leur image. Et non, je ne suis pas du tout en accord avec l'image qu'il a aujourd'hui, ce qu'il représente et ce qu'il incarne aujourd'hui en mai 2018. Moi, par rapport à la révolution, mai 68, c'est intéressant, mais la révolution utopique qui, moi, qui m'attire le plus, c'est la Commune de 1871 et la figure de Louise Michel particulièrement. Je l'ai découverte il y a 2 ans en cours d'histoire. C'est pas normal que les petites filles n'aient pas assez de modèles de ce genre-là. Comment ça, tout est là, Olivier Vantigny ? Vous avez dit tout est là, je vous surveille. Hein. Tout est là parce qu'en 68, on évoquait déjà la Commune de Paris, donc je trouve ça absolument passionnant que des étudiantes et étudiants aujourd'hui s'y réfèrent et se réfèrent à 68 dans la perspective d'une solidarité entre les salariés et les étudiants. C'est vraiment, ça rappelle 68 et qui sait, ça peut ouvrir à bien des perspectives d'un printemps très social, très politique et d'aspiration justement à un nouveau changer la vie. À ceci près que dans cette convergence des luttes, dès lors que les ouvriers, que les syndicats d'ouvriers ont eu ce qu'il voulait, augmentation de salaire après les accords de Grenelle, est-ce qu'on peut dire que la classe ouvrière a lâché les étudiants? Parce que pour les ouvriers, la liberté sexuelle, la liberté d'expression, les révolutions, eux, ils s'en fichent. Ce qu'ils voulaient, c'est des augmentations de salaire. Non. Donc, est-ce qu'on peut dire que la classe ouvrière a lâché les étudiants et a mis fin à mai 68? Oh là là, vous me laissez combien de temps pour répondre à cette question? Minute. Parce que je suis pas du tout d'accord avec vous. Non. Donc, ça d'abord, les question, ouvrières hein. et ça les ouvriers, et puis généralement, les salariés qui étaient des millions à se mobiliser et à faire grève, bien sûr, voulaient aussi des augmentations de salaire parce que les salaires étaient très bas à l'époque, il faut se le rappeler. Mais plus généralement, les conditions de travail étaient parfois indignes. On travaillait beaucoup avec des cadences extrêmement élevées, etc. Donc, ils voulaient aussi améliorer l'ordinaire de leur quotidien, de leur ce qui est légitime. Voilà, de leurs conditions de vie et de travail. Mais au-delà, hein, ils se posaient bien d'autres questions. Ils ont soulevé bien d'autres questions que celles des salaires. Et c'est la raison pour laquelle les accords de Grenelle, enfin, si tant est qu'on puisse parler d'accords puisqu'ils n'ont pas été signés, mais ces discussions de Grenelle n'ont pas satisfait tout le monde parmi les grévistes, loin de là. Et il y a eu beaucoup d'amertume. Et d'ailleurs, dans les années qui ont suivi 68, il y a eu encore d'autres mouvements sociaux, d'autres grèves, y compris avec des grèves autogestionnaires. On se rappelle souvent l'IP, mais il y a eu près d'une cinquantaine d'expériences de ce type dans les années 70. En tout cas, merci beaucoup Ludivine Bantigny. Merci infiniment pour tous vos éclairages et la précision de vos éclairages. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé 1968, de grand soir en petit matin, publié au Seuil au mois de janvier dernier. On va écouter Noël Gallagher, histoire de souffler un peu, et If Love is a Law se retrouve juste après. The things I left out. Voilà, c'était un aperçu de Noël Gallagher, histoire d'avoir de la pop anglaise quand même. Est-elle aussi bonne que celle de l'année 1968? Pas sûr. Merci en tout cas, merci une fois de plus à notre invité d'aujourd'hui, Ludivine Bantini, historienne et spécialiste des mouvements de jeunesse. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le mouvement du 22 mars, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Antoine Gomez qui était à la technique aujourd'hui.